À l'occasion des 69 ans du développement de l'armée révolutionnaire populaire coréenne en forces armées révolutionnaires régulières, les formations nigérianes et du Congo démocratique ont inséré des articles dans leur page d'internet. Sous le titre « Édification des forces armées régulières en Corée », le Comité national nigérian d'études de Kim Il-sungisme Kim Jong-lisme a présenté en détail que le président Kim Il-sung a accéléré énergiquement l'édification des forces armées régulières immédiatement après la libération du pays, sur la base des expériences de valeur obtenues dans la lutte armée anti-japonaise. Sous le titre « Pour renforcer la capacité militaire d'autodéfense », le Comité national d'études des études judiciaires du Congo démocratique a écrit que grâce à l'industrie de guerre originale créée et développée par le président Kim Il-sung, le général Kim Jong-il et le maréchal Kim Jong-un, l'armée populaire de Corée manifeste sans réserve son prestige de puissante armée révolutionnaire invincible, dotée de tous les moyens modernes d'attaque et de défense.